الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après ceci, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Al-yawm thamin shawwal. Aujourd'hui, on est dans le 8e jour du mois de Shawwal. لقد خرجنا منذ أسبوع من شهر رمضان المبارك. On est sorti du mois de Ramadan. On a quitté le mois de Ramadan de 8 jours. ومن علامة قبول الحسنة القيام بحسنة بعدها. Et la preuve de l'agrément d'une bonne œuvre est le fait d'accomplir une autre bonne œuvre après la précédente. ومن علامة عدم مغفرة الذنب القيام بذنب بعده. Et la règle dit, la preuve qu'un péché n'a pas été pardonné, c'est le fait de le faire suivre par un autre péché. والمسلم لا يتوقف عن القيام بالحسنات ما دام حيا. Et le musulman n'arrête jamais d'accomplir des bonnes œuvres tant qu'il est en vie. وأكبر حسنة بعد صيام رمضان. Et la plus grande œuvre après le jeûne du mois sacré de Ramadan, هي حج بيت الله الحرام. Et le pèlerinage ou l'accomplissement du pèlerinage vers la maison sacrée de Dieu. قال تعالى, Dieu le très haut dit, ولله على الناس, يعني فرض ولله على الناس, على كل الناس, ولله على الناس حج البيت, من استطاع إليه سبيلا, من استطاع فلله عليه حج بيته. Les gens sont tenus à l'égard de Dieu de faire le pèlerinage de la maison, ceux qui en ont les moyens. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا. Allah هو الذي يقول هذا الكلام. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Quant à celui qui nie ou qui refuse, Dieu se passe largement des créatures. فالحج يصبح فرضا منذ توفر الاستطاعة. Le pèlerinage devient une obligation, une adoration obligatoire à partir du moment où on a les moyens. كالصلاة كالصيام, exactement comme la prière, comme le jeûne. وأتساءل, je m'interroge, لماذا نصلي في الوقت, pourquoi on fait la prière à l'heure, ونصوم في وقت الصيام, et on observe le jeûne au moment du jeûne, ça veut dire au mois de Ramadan, شهر رمضان, من غير تأخير, sans retard, on fait la prière à l'heure, le jeûne à l'heure, sans retard. أما الحج فنؤخره من غير مبالات حتى سن الستين تقريبا. Et lorsqu'on arrive au pèlerinage, on le laisse attendre. On le fait avec beaucoup de retard qui dure jusqu'aux 60, jusqu'aux soixantaines. يعني يؤخره الناس 20 30 سنة. Ça veut dire que les gens font le pèlerinage mais avec un retard approximatif égal à 20 jusqu'à 30 années rarma wujud al-istiqa' malgré la présence des moyens min ghayri khawf min Allah wa la haya, sans aucune crainte ou aucune pudeur à l'égard de Dieu. Wa fi kulli sana, ya chaque année yaqul الإنسان السنة القادمة أحج. Et chaque année, l'homme ou la femme dit l'année prochaine, je vais faire le pèlerinage. وهكذا حتى تصل 20 سنة أو أكثر. Et ainsi de suite jusqu'au moment où 20 ans passent, où 30 ans passent, et on est toujours l'année prochaine, je vais faire le pèlerinage. ومن يضمن له أن يعيش حتى السنة القادمة. Et qui lui garantit de vivre ou de pouvoir vivre jusqu'à l'année prochaine. فهناك من يموت قبل أداء فرض الحج وما أكثرهم. Il y a des gens qui meurent avant l'accomplissement de l'obligation du pèlerinage, et ces gens, on les a vus, et ils sont nombreux. ويلقى الله بذنب كبير, et il rencontre Dieu avec un lourd ou un péché énorme. بالإضافة إلى ذلك فمن يحج في فترة الشباب. En plus, celui qui accomplit le pèlerinage pendant sa jeunesse يؤدي عبادة الحج البدنية بسهولة. Celui-ci, le jeune, lorsqu'il fait le pèlerinage à tôt dans sa vie, il va accomplir l'adoration physique dur du pèlerinage mais avec beaucoup de facilité parce qu'il est encore jeune. أما الذي يبقى حتى الستين أو أكثر, tandis que celui qui reste jusqu'à 60 ou plus, فيجد مشقة كبيرة عند أداء الحج, il rencontre beaucoup de dureté, beaucoup de difficultés à faire le pèlerinage. يعني تجد الإنسان لا يرجو, يقول للناس أرجموا عني. Tu trouves que quelqu'un ne fait pas la lapidation, il dit aux gens de faire par délégation, il délègue parce que lui il est devenu vieux, il ne peut plus. أو يقول افعلوا عني كذا, ou faites à ma place cela. لأنه فقد قوة الشباب, parce qu'il a perdu la force de la jeunesse. وأتساءل من الذي يمنعك من الحج, je m'interroge, qu'est-ce qui t'empêche mon frère ou ma sœur de faire le pèlerinage? Elle-même, c'est une question d'argent. Là, non. La tadkhul ila biladik fi ssayf marra wahida. Ne visite pas ton pays d'origine une seule fois. En été, ne va pas en été à ton pays d'origine une seule fois. واستعمل ذلك المبلغ للحج. Et utilise cette somme pour entrer chez toi dans ton pays d'origine une fois en été, et tu utilises cette somme pour changer de direction et pour aller une fois à la Mecque au pèlerinage. من الذي يمنعك إذن, qu'est-ce qui t'empêche donc? الوقت الفارغ, le temps libre. Tu n'as pas le temps libre, يعني العطلة, ça veut dire pendant le pèlerinage tu n'as pas de vacances. لا, non. مرة في حياتي, une seule fois dans ta vie, اطلب عطلة الصيف في زمن الحج, une seule fois dans ta vie, demande tes vacances d'été, demande-les au moment du pèlerinage. هناك الآن ما يسمى بالحج السريع, il y a maintenant ce qu'on appelle le pèlerinage express. أقل من 15 يوما, moins que 15 jours tu as fini. Le pèlerinage, normalement, il demande 5 à 7 jours et c'est fini. الحج يتطلب 5 إلى 7 أيام, خذ أسبوع, خذ 10 أيام. وحج, pour faire le pèlerinage, on a uniquement besoin de 5 à 7, on va dire 10 jours, demande 10 jours et fais le pèlerinage. إذن في الغالب لا عذر لك. Donc, en général, mon frère ou ma soeur, tu n'as aucune excuse pour ne pas faire le pèlerinage. أخي أختي فخير سور، أتدري من يمنعك حتى الآن من الحج؟ سيتو كي تنبش جسكا منتنو داكمبلير لبلغيناج؟ إنه الشيطان عدوك. الشيطان سي ساتان سي تون بير انمي. يأتيك بأعذار الدنيا كلها، يأتيك بأعذار غير مقبولة. Il t'apporte toutes les excuses du monde. Il t'apporte des excuses non agréées par Dieu. Et il te dit par la suite, pas l'année prochaine, l'année d'après, tu vas faire le pèlerinage. Mes frères et mes sœurs, le pèlerinage est un rendez-vous avec Dieu. Et on ne doit pas rater le rendez-vous avec Dieu. On ne doit pas arriver au lieu du rendez-vous avec Dieu, mais en retard. Imagine avec moi, mon frère ou ma soeur, si le roi ou le président d'un pays te donne un rendez-vous, il va te recevoir chez lui. Vas-tu partir à ce rendez-vous avec retard ? Ou bien est-ce que tu vas te présenter tôt le matin, avant l'heure ? Il te fixe par exemple 16 heures, tu seras à 8 heures là-bas, et avec une grande joie en plus. لا تنظر للمعصية لا تنظر للمعصية ولكن انظر من عصيت. Ne regarde pas le péché, mais regarde, ou ne regarde pas la désobéissance, mais regarde celui auquel tu as désobéi. قال لك ربك, ton Seigneur t'a dit, إذا صارت لك الاستطاعة, quand tu as les moyens, quand tu vas posséder les moyens. Maintenant tu es pauvre, maintenant tu es jeune dans tes études, mais quand tu auras les moyens financiers et physiques, fa inni ana Allah u'tika maw'idan fi bayt al-haram. Quand tu auras la possibilité, moi Dieu, je te fixe un rendez-vous à côté de ma maison sacrée, al-Ka'ba. وقد صارت لك الاستطاعة ثمن تكاليف الحج هي الاستطاعة. Et maintenant depuis des années, منذ سنين, tu as eu la possibilité financière, tu as travaillé, tu as de l'argent depuis des années et des années. فماذا تنتظر؟ Qu'est-ce que tu attends donc? أعطاك ربك الإسلام. Dieu t'a offert l'islam. أعطاك الصحة. Il t'a offert la bonne santé. أعطاك المال. Il t'a offert l'argent. أعطاك الزوجة. أعطاك الزوج. Il t'a offert un mari. Il t'a offert une épouse. أعطاك الأولاد. Il t'a offert des enfants. أعطاك كل شيء. Il t'a donné toute chose. أعطاك حتى ثمن الزيارة. قالك هات بس تزورني. Il t'a donné même le prix du voyage. Il te l'a donné. Ne dis pas non, je n'ai rien reçu. Il te l'a donné le prix du voyage, le prix de l'avion, le prix de l'hôtel. Il te l'a donné. Et il t'a dit, mon serviteur, visite-moi. أعطاك حتى ثمن الزيارة, ثمن الحج, أعطاك ثمن الطائرة, وأعطاك ثمن الفندق هناك. وقال لك يا عبدي تعالى. وطلب منك الزيارة. أتدري ماذا فعلت؟ رفضت. Mais tu as refusé. واستعملت المال في مجال آخر. Et tu as utilisé la somme que Dieu t'a donnée pour le pèlerinage, tu l'as utilisé dans un autre domaine. أين الإيمان؟ Où est la foi؟ أين حب الله؟ Où est l'amour de Dieu؟ هل هناك شيء في الدنيا أغلى عندك من الله؟ Y a-t-il quelque chose dans ce monde pour toi qui est plus cher que Dieu ? الذي أعطاك كل شيء, qui t'a donné toute chose ? استيقظ من غفلتك. Réveille-toi aujourd'hui de ton inattention. تغلب على شيطانك. Essaye de vaincre cette fois-ci ton Satan. فك كل القيود. كسر كل القيود. Casse tout, toutes les entraves ou tous les liens. في هذه السنة dans cette année-là, 17 novembre, taqriban, huwa yawm al-Eid. En cette année, le 17 novembre, aujourd'hui on est le 17 septembre. Al-yawm 17 septembre. La fête aura lieu, inshallah, autour du 17 novembre. Mais ma'ana baqiya laka shahrani. Ida aradt al-niyya wal-azima. Il te reste, mon frère ou ma soeur, 2 mois. Le 17 septembre jusqu'au 17 novembre, 2 mois pour avoir l'intention et pour avoir la conviction de le faire pendant cette année. Qullahu, dis-lui, Ya Rab, ô Seigneur, la shay'a fi dunya kulliha yamna'uni min al-dhahabi ilayk. Dis-lui, ô Seigneur, rien dans ce monde entier ne peut m'empêcher de venir vers toi. Ya Rab, inni taraktu kulla shay'in wara'a dhahri. Ô mon Seigneur, j'ai laissé toute chose derrière mon dos. Wa ha ana qadimun ilayk. Et me voici en train de venir vers toi. Labbayk Allahumma labbayk. Soumission totale à toi, Seigneur, soumission. La taqul labbayk ya dunya labbayk. Ne dis pas soumission totale à toi, bas monde, ou vie ici, bas soumission. Tu l'as fait pendant des années et des années. La taqul labbayk ya shaytan ou labbayk. Ne dis pas soumission totale à toi, Satan, soumission totale. Undur ila Ibrahim alayhi salam. Regarde avec moi Abraham, prière et salut sur lui. Taqulul ayah, le verset coranique dit wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Il dit je vais aller à mon Seigneur et il me guidera, je vais aller à mon Seigneur. Onvor ila Moussa alayhi salam, taqulul ayah, écoute ou regarde Moïse, prière et salut sur lui. Le verset coranique dit wa ajiltu ilayka rabbi zribt asra'at. مش ببطء أتيتك ببطء لا أسرعت وعجلت بعجل وعجلت إليك ربي ليش لماذا لترضى هل أنت أرضيت الله هل تعجلت في الحج إلى الله تعالى وتبارك أم تباطأت وتباطأت وتباطأت والحج لا يدخل في عقلك ولا تفكر فيه لا هذه السنة ولا السنة القادمة والتي من بعدها وربما أنت بعد أيام ستموت وعجلت إليك ربي لترضى. Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin de te satisfaire. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Regarde Muhammad, prière et salut sur lui. كان يترك أهله. Il abandonnait sa famille. تجارته, son commerce. أصحابه, ses amis. يترك دنيا الناس. Il abandonnait la vie des gens de tous les jours. ويذهب إلى لقاء الله في غار حراء لمدة شهر رمضان كل سنة لمدة شهر يودع كل شيء ويذهب للقاء الله وحده افعل مثله ودع كل شيء واذهب للقاء الله أنت كذلك. Il abandonnait tout, il laissait derrière son dos tout et il allait à la rencontre de Dieu dans la grotte de Hira pendant le mois de Ramadan, la totalité du mois de Ramadan, et ceci chaque année. Fal muslim al haqiqi yajid nafsahu majduban ila Allah. Le vrai musulman, le vrai croyant ressent qu'il est attiré, c'est plus fort que lui, il est attiré vers son Seigneur. Kama yajdibu al maghnatis al hadid, exactement comme l'aimant qui attire vers lui l'acier ou le fer. فإن الله يقول, Dieu dit, إذا أتاني عبدي يمشي. اسمع هذا الحديث. إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. Si mon serviteur vient vers moi en marchant, j'irai vers lui en vitesse. هكذا يقول الله تعالى وتبارك. Ainsi notre Seigneur dit, أخي أختي, frère, sœur, إنه زمن الاستعداد للحج. Maintenant, c'est la période des préparations pour le pèlerinage. ربك ينتظرك. Ton Seigneur est en train de t'attendre. Il te voit, il voit ce que tu fais. يراك. يرى ما تفعل. ينتظرك. Il t'attend. فلا تنتظر. Toi, tu ne dois pas attendre. Tu dois te précipiter pour aller vers lui. لا تمشي عند ربك في يوم من الأيام وأنت متأخر. Donc, ne va pas vers ton Seigneur un jour en étant en retard. وأقول قولي هذا وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. Donc, je vous recommande et je recommande à moi-même la piété envers Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, من أراد الحج في هذه السنة فهنيئا له. Celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage pendant cette année, je lui dis félicitations à toi. بمعنى اختارك الله في الوفد الذي يزوره في هذه السنة. Si tu veux aller cette année, ça veut dire c'est pas toi, mais c'est Dieu qui t'a donné l'autorisation. C'est Dieu qui t'a choisi dans la délégation mondiale musulmane qui va aller à sa rencontre pendant cette année. وفد متكون من أكثر من مليوني مسلم. Une délégation composée à peu près de 2 millions de musulmans qui vont à la rencontre de Dieu. Ma'khoud min milliard wa nisf muslim. Une délégation tirée à partir d'un milliard et demi de musulmans dans le monde et tu en fais partie. Félicitations à toi. Hani an lak. Marra. Walakin, in istata'ta. فخذ هذه وصية إن استطعت فخذ زوجتك معك. Je donne un conseil mon frère, dans le cas où tu peux, prends avec toi ton épouse. فهو أحسن, ça serait meilleur. فكثير من الناس يذهب من غير زوجة. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes partent au pèlerinage sans être accompagnés par sa femme. ويندم فيما بعد, et il regrette par la suite. Après des années, il regrette. لأنه لا يجد الوقت لمرافقتها. يوم ما تريد الزوجة تحج هو لا يستطيع أن يذهب. مشاكل الدنيا كثيرة. Et il regrette par la suite parce que le jour où sa femme voudra faire le pèlerinage, lui, il ne pourra pas l'accompagner. والشيء الثاني, la deuxième chose, فكر جيدا مع من ستذهب إلى الله. Réfléchis très bien avec qui tu vas partir à la rencontre de Dieu et à la rencontre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. فَمَعَ الْأَسَفْ هُنَاكَ كَثِيرٌ مِنَ اللُّصُوصِ. Malheureusement, il y a beaucoup de voleurs. يَسْتَغِلُّونَ فُرْصَةَ الْحَجِ, qui profitent de l'occasion du pèlerinage, لِلْإِسْتِغْنَى عَلَى ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ. Il profite de cette occasion pour s'enrichir sur le dos des musulmans. لا يفكرون إلا في مصالحهم. Ces gens-là ne pensent qu'à leurs propres intérêts. يعمل في شهر وينام سنة كلها. Ces gens-là travaillent un mois dans l'année et dorment tranquillement toute l'année. ولهذا رأينا مشاكل كثيرة في السنين الماضية. Raison pour laquelle nous avons observé pas mal de problèmes ou beaucoup de problèmes dans les années précédentes. وهذا لا يعني كل المنظمين لصوص. Ce que je viens de dire ne signifie pas que tous les organisateurs du pèlerinage sont des voleurs. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. الشيء الثالث والأخير, la troisième et dernière chose, من أجل القيام بالحج, afin d'accomplir le pèlerinage, la budda min malin halal. Il est nécessaire d'avoir de l'argent halal, de l'argent purement halal. Wala budda min tawba min ad-dunub. Et il faut observer un repentir sincère et pur de tous les péchés. ولا بد من رد الحقوق إلى أهلها، المظالم إلى أهلها. Il est obligatoire aussi de rendre aux ayants droit leurs droits, les gens envers lesquels tu étais injuste, les gens que, auxquels tu as pris des droits, des gens que tu as volés ou autre chose, tu dois rendre à ces gens leurs droits avant d'aller au pèlerinage. Fait tauba zaid al-hajj tusawi wilad jadid. Le repentir plus le pèlerinage est égal à une nouvelle naissance. Yani kul ad-dunub maghfura, ceci signifie tous les péchés sont pardonnés. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع كيوم ولدته امه. هذا عن الحاج الذي تقبل الله حجه. Le prophète prière et sagerie a dit à propos du pèlerin dont le pèlerinage est agréé par Dieu, il revient chez lui comme le jour de sa naissance. Wa قبل النهاية يابون دو فينير التفت التفاته إلى الإنسان الذي حج في الماضي. Je fais un regard vers celui qui a fait le pèlerinage dans le passé et peut-être même le passé lointain. أقول له أخي أختي. Je lui dis frère, sœur, هل حافظت على حجك. Est-ce que tu as bien préservé ton pèlerinage. Ou bien l'as-tu noyé par des péchés. Depuis ton pèlerinage, est-ce que tu es toujours dans une nouvelle naissance. Ou bien tu es complètement noyé dans les péchés. Que vas-tu faire. إذا أردت مغفرة الذنوب يعني هل ستعود مرة أخرى إلى مكة لتغسل نفسك من جديد. Est-ce que tu as réfléchi de revenir une deuxième fois vers la Mecque afin de te laver à nouveau. نسأل الله تعالى وتبارك التوفيق للجميع. اللهم إني داع فأمله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت وفق أناسا منا ليذهبوا في هذه السنة لبيتك حتى يكونوا سفراء لنا في بيتك الحرام وعند نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب وفق من لم يحج للحج في هذه السنة. يا رب غلب إخوتنا وأخواتنا على الشهوات وعلى كل المشاكل التي يصورها أمامنا الشيطان. يا رب غلبنا على النفس وغلبنا على الشيطان واجعلنا نترك كل شيء وراء ظهورنا ونقصدك ونقول لبيك اللهم لبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسيت شيء أحببت أن أذكر به. هناك ناس لا يذهبون للحج لأن عندهم قرض عند البنك. اشتروا منزلا ويقول لك أنا عندي قرض فلا أذهب للحج. Il y a des gens qui ne vont pas au pèlerinage malgré leurs moyens financiers parce qu'ils ont emprunté auprès d'une banque une somme pour une maison et il dit tant que j'ai 20 ans de prêt je peux passer interdit. أقول هذا خطأ. Je dis il s'agit d'une erreur. إذا كان عندك قرض ما نتكلم قرض حلال أم حرام. إذا كان عندك قرض ممكن لك يا أخي أن تحج لأن البنك لا يمنعك من الحج. لا تخلط بين السلف أو القرض عند البنك والسلف أو القرض عند الإنسان. Ne mélange pas le prêt auprès d'une banque et le prêt auprès d'une personne. إذا كان عند الإنسان يجب أن ترد المبلغ لصاحبه ولا تحج إلا إذا سمح لك. أما عند البنك ما في مشكل يا أخي، ممكن أن تحج. ونسأل الله القبول.